Qu'est-ce qu'ils font, puis tous ces gens, tous ces badauds sans style. Tous ces badauds sans style. À attendre à l'arrêt de bus, lentement que le temps file. Moi je suis à côté du troupeau, et même si j'attends aussi, j'ai la classe comme c'est pas permis. La classe comme c'est pas permis. Avec mon nouvel ami. Clopote, clopote, clopote, il est super. Clopote, clopote, clopote, il est d'enfer. Je ne sais pas comment j'ai pu passer ma vie tout ce temps sans joie, sans but, sans lui. Clopote, clopote, clopote, c'est comme un frère. Clopote, clopote, clopote, vive le cancer. Aventurier du clopote perdu, du clopote perdu, car les nouvelles lois t'ont mis à la rue, à la rue. Et vint ton pire ennemi, n'a donc pas compris, que sans clopote à l'intérieur il ne reste que l'ennui, que l'ennui. Fumer, c'est bon pour la santé, on ne nous dit pas tout, pas tout. Clopote m'a tout raconté, en fait les médecins sont jaloux, sont jaloux. La clope est un médicament qui les mettrait à la porte, les mettrait à la porte. On n'est jamais malade avec clopote, la clope qu'on transporte, la clope qu'on transporte. Clopote, clopote, clopote, il est super. Clopote, clopote, clopote, il est d'enfer. Je ne sais pas comment j'ai pu passer ma vie tout ce temps sans joie, sans but, sans lui. Clopote, clopote, clopote, c'est comme un frère. Clopote, clopote, clopote, vive le cancer. Clopote. Avec mon RMI, je dois faire un choix entre mes deux piliers de vie. Piliers de vie. Si je vais voir les putes, j'aurai envie de fumer. J'aurai envie de fumer. Alors qu'avec la pote, j'ai plus envie de baiser. Car après un paquet, c'est tout mou là-dedans. C'est beaucoup plus rentable de devenir impuissant. Impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant, impuissant. Quand je suis seul le soir, quand je suis seul à boire une toux bien grasse, j'ai un ami. Car dans mes poumons, clopote prend vie.